d'une vie s'achève. Un nouveau défi se lève. Même un amour qui meurt peut renaître pour un autre départ, pour un autre peut-être. Qui sait son